나 로비야. 나니 먹고 온수. Majesté, majesté, pourquoi n'est pas te louer, adoré, tu es digne d'être adoré. C'est toi qui dis un mot et la chose est s'accomplit. Acclamons-le, à qui pourrais-je te comparer? Glorifions-le, à quoi pourrais-je te mésirer? Glorifions-le, alléluia, exaltons-le, dans le ciel sur la terre, ton nom est élevé. Bénissons-le, les rois des rois. Nitakuabudu Mungu wangu, Mungu wangu. Bénissons-le. Hakuna mwengine kama wewe. Élevons-le. Baba wa majabu, Baba wa huruma. Glorifions-le. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Exaltons-le. Dans les cieux, sur la terre, tout genou doit fléchir. Magnifions-le. Devant ton nom, toute langue confessera. Amons-le. Que tu es le roi. Louons-le. Seigneur, j'ai ton esprit en glorifiant ton nom. Que ton amour soit grand pour ta servante, Jésus, le roi des rois. Aide-moi, oh mon Dieu, par ta miséricorde. Baba wangu uliye juu, tunakushukuru na muna gani? Adore-le. Louons l'Éternel pour tout ce bienfait. Magnifions son saint nom. Acclamons-le. À ton nom, Jésus, ton genou fléchira. Glorifions-le. Tu es élevé au-dessus de tous les noms. Magnifions-le. Jésus, sois loué. Exaltons-le. C'est lui la manne cachée. La manne cachée. Aide-moi, oh mon Dieu, par ta miséricorde.